17-10. Observation. Métier. Au masculin et au féminin. Il est pompier. Elle est pompier. Il est chirurgien. Elle est chirurgien. Il est médecin. Elle est médecin. Pour un certain nombre de professions, on emploie la forme masculine même en parlant d'une femme. Les noms de professions employés dans l'exercice suivant appartiennent à cette catégorie. Pour les esprits curieux et exigeants, notez que la médecine, nom féminin, n'est pas une femme, mais la discipline, la profession. Pour être médecin, il faut étudier la médecine. Il faut aller à la faculté de médecine. Il faut faire médecine. Il faut faire des études de médecine.